Chapitre 12e. Nous sommes liés de plus près à l'invisible qu'au visible. Novalis. Lorsque je me réveillai le lendemain à l'aube, tout le monde s'affairait déjà dans notre campement. Je regardais, éberlué, autour de moi. L'arbre sur lequel je m'étais assise la veille avait étendu ses basses branches afin de construire autour de moi un habitat confortable et douillet. À mon réveil, lentement, comme soulevé par un léger courant d'air, les branches se déplacèrent et mon logis provisoire disparut avec délicatesse, comme à regret. Pleine d'énergie, je me relevai d'un bond et courus à la source. Il figure toujours d'humeur maussade avant d'avoir ingurgité le premier déjeuner, grommelait dans sa barbe. Dinmour, qui venait de remplir sa gourde à la source, s'avança vers moi avec un rictus comique. « Pas de caviar ce matin pour maître Ilfgur. » Il appuya son explication d'un geste en direction de son propre havresac et reprit « Je n'en ai pas non plus. Seuls les nains boivent ce breuvage venu on ne sait d'où. » Prise d'une soudaine bonne humeur, j'éclatai de rire et retournai sous le séquoia où se trouvait mon mince bagage. D'une des nombreuses poches, je tirai une petite bourse de toile richement brodée et fièrement la tendis à Ilfgur en disant les paroles rituelles lorsque deux nains qui ne se sont pas vus depuis longtemps se rencontrent. Sommes-nous amis ou seulement amis de nos amis? Ilfgur se retourna brusquement en grommelant de plus belle, mais je lui passai devant le nez le sac odorant du nectar que seul un nain peut apprécier à vrai dire. Mes amis elfes en particulier pourront imaginer avec facilité les diverses phases d'hébétude, de surprise, de joie et de béatitude, enfin, devant ce don inattendu. Ilfgur huma le sachet abondamment rempli, le retourna entre ses doigts qui, pour l'occasion, retrouvèrent une dextérité guerrière. Il ouvrit, il faut le dire avec quelque précipitation, le sac. Émerveillé, après un instant de contemplation, il en tira une minuscule pincée qu'il porta à son nez avec un air de ravissement. Dinmour me regarda, perplexe. « Vous ne buvez pas. » Il hésita un instant, puis répéta d'un air pour le moins dubitatif. « Vous ne buvez pas cela. »« Non, c'est bien pour cela qu'elle m'en offre. » Ilfgur se précipita vers moi, avec sur le visage l'air sournois du nain prêt à une rude négociation. « N'est-ce pas, noble Elgara ? » insista-t-il. Je pris un air méditatif et retenant mon souffle, comme le font les nains, avant une de leurs longues et légendaires négociations, j'ajoutai un brin de malice à mon ton et dis le plus doucereusement que je pus. Non seulement je vous offrirai séant un verre de ce sublime nectar, mais en plus je partagerai également le contenu de ce trésor entre. Je pointai mon doigt vers son nez et le mien à la façon des nains. « Et ?» demanda Ilfgur sur ses gardes, d'une voix traînante. « Et ? Eh bien, on partage et voilà. » Conclus-je en allant tranquillement chercher de l'eau à la source pour faire le fameux breuvage. Le nain me suivit à petits pas, tenant précieusement le sachet entre ses mains comme on tient une offrande. « Comment ça en partage ? Ce n'est pas un breuvage pour les humains, dit-il. Vous allez mourir si vous buvez cela. Je vous remercie de vous soucier de ma santé, noble Ilfgur. Cependant, sachez que je bois du caviar depuis ma première quête dans les plaines bleues. Vous buvez ? » Dinmour faillit s'étrangler en buvant le thé aux plantes qu'il sirotait en nous écoutant, ou plutôt en contemplant notre discussion. Déjà, je m'activai auprès du feu, faisant bouillir l'eau, mettant quelques pincées de poudre et remuant avec précaution, alternativement à droite puis à gauche, sous les yeux ébahis de Dinmour et Ilfgur. Je versai ensuite le liquide point trop brûlant, mais fumant, dans un long et étroit gobelet, et me retournai vers Ilfgur qui déjà me tendait le sien, sous le regard maintenant perplexe de Dinmour. Je dégustai le breuvage fort et amer, et alors que je faisais claquer ma langue comme il se doit en pareil cas, Ilfgur s'approcha de moi avec un air extasié. Il bégaya. « Noble fée, c'est le meilleur, le plus admirable caviar ? Oui, je ne suis pas assez bête pour boire du mauvais caviar si tôt le matin, » dis-je en regardant Dinmour d'un air de fée démarrée outragé. « Mais où, comment, qui ? » « Moi-même. Pensez-vous que je confierais cette ingrate tâche à quiconque d'autre que moi-même ? Mais où avez-vous appris ? J'ai mes sources, » fis-je mystérieusement. Le nain se rapprocha de moi, admiratif et visiblement impressionné, et frottant ses mains l'une contre l'autre, se hasarda à demander à mi-voix, quémandant un secret inavouable. « Noble et douce fée, pouvez-vous me révéler ? J'étais en train de laver ma timbale d'argent à l'eau claire de la source. Non, bien sûr que non. » La formule de celui-là m'appartient, dis-je en désignant le caviar. Noble fée, il hésitait encore. Puis se lança. Noble dame, pourquoi tournez-vous deux fois à gauche et trois fois à droite le nectar ? Je pris le temps de me relever avant de répondre avec amusement. Parce que je suis Elgara. À deux pas de là, le roi avait suivi la scène d'un air intrigué puis amusé. Il vint sentir le breuvage, le huma longuement, et décrochant de sa ceinture son mince gobelet de vermeil, il versa du caviar encore fumant. Il en but une gorgée, puis une autre, le regard lointain, campé sur ses deux jambes légèrement écartées, la main gauche sur la taille. Il resta ainsi un long moment. Il sembla le déguster un instant, plissa les yeux. Toujours silencieux, il alla ensuite rincer son gobelet sous l'eau claire et le remit lentement à sa ceinture. Puis, se tournant vers moi, il s'inclina cérémonieusement et, comme s'il me découvrait à l'instant, dit, persifleur, « Visiblement, vous avez bien dormi, ô noble fée !» Je m'inclinai tout aussi cérémonieusement. Le réveil aussi fut agréable. Et je laissai un moment, en suspension, un « ô noble roi !» récalcitrant. Celui-ci fronça légèrement les sourcils, montra du doigt tendu le caviar dont l'odeur emplissait toute la clairière. Il était sur le point de parler, lorsque, changeant brusquement d'avis, il lança, impassible, à la compagnie. « Nous n'avons que trop tardé. » Nous finissions de préparer nos minces bagages et les offrandes rituelles pour le lieu qui nous avait si bien accueillis, lorsqu'arrivèrent Yacht et Svarin. Au cours des salutations d'usage, je fis enfin la connaissance du mystérieux personnage dont avait-on parlé à voix basse la nuit dernière la petite compagnie. Je ne pouvais comprendre alors les fonctions de Yacht. On m'avait dit simplement que, comme Svarin, elle était Drachnit. Je fus surprise au premier abord, car j'avais compris que c'était un guerrier valeureux. Il y a des subtilités de langage que je ne maîtrisais pas encore à cette époque et qui parfois me valaient bien des surprises. Yacht m'apparut éblouissante d'ardeur et d'énergie. Sa vivacité d'esprit se pressentait dans chacun de ses regards, dans chacun de ses gestes, succinct, rapide, net. La sémillante Drachnit, avec laquelle j'ai partagé depuis maintes aventures, est comme l'arme qu'elle manie avec vigueur, d'une efficacité redoutable. Totalement forgée pour la lutte, elle survole d'un regard aigu chaque situation. Elle possède une ardeur vibrante au combat, consciente qu'une défaite peut aussi être une victoire. Elle est d'une beauté hiératique, inaltérable comme l'acier, avec une masse de cheveux, indomptable comme elle, qui font autour de son visage une auréole éclatante. Elle portait ce jour-là, dans son dos, au lieu de l'arc flexible très maniable des elfes rouges, une lourde épée à double tranchant, au pommeau simple, empesée juste au-dessus de la garde, d'une pierre de chalcédoine bleue remarquable. C'est une arme redoutable, peu maniable, mais très efficace, j'ai pu m'en rendre compte depuis lors. Yacht est désormais une légende en Elfinie, et comme pour l'Elgara et ses quêtes, bien des détails plus ou moins discutables sont venus l'agrémenter. J'ai moi-même, involontairement, contribué à cette légende, forçant le destin de Yacht elle-même de par ma présence auprès d'elle. Elle mérite tout de cette légende. Tout et plus encore, car on ne pourra narrer certains secrets inscrits à jamais dans la terre elfique. J'avais été ébloui par la reine Odeline, fasciné par la mage Yezla, sœur du roi Imrold, gardienne des licornes sacrées. J'appris à deviner Yacht. Cela ne fut pas instantané. Elle entra dans ma vie comme une guerrière drachnite, sans mots ni fioritures inutiles, lentement, insensiblement. Notre premier contact, cependant, fut à son image, rapide et déroutant. Lorsque Svarin et elle arrivèrent à notre campement, nous étions sur le départ. L'arôme fort et épicé du caviar flottait encore dans l'air. Alors que Svarin s'engageait dans les salutations et la joie des retrouvailles avec ses amis, Yacht s'avança vers le feu et le humant, découvrit vite le bol du breuvage encore fumant. Elle le prit délicatement, en but une gorgée en fermant légèrement les paupières, puis une deuxième avec une visible satisfaction. Claquant la langue, elle se dirigea d'un pas raide vers le roi, qui observait avec attention ses mouvements. En chemin, elle lança le bol à Ylfgur. « Ton caviar s'est amélioré, prince Ylfgur. »« Ce n'est pas le mien, noble adversaire, c'est celui de l'Elgara. » La jeune guerrière jeta un rapide coup d'œil en biais dans ma direction, puis, apostrophant Svarin d'un air férocement ironique, la voix traînante. « Alors, s'il sait faire le caviar ?» Elle s'inclina ensuite profondément devant le roi, qu'il accueillit avec une bienveillance pleine de gratitude, me sembla-t-il. Svarine se joignit à eux, et ils s'engagèrent dans une conversation secrète et animée dont je ne compris pas un traître mot. Cela ressemblait d'ailleurs plus à une négociation qu'à une simple conversation. À la fin, ils se tournèrent tous trois vers moi, et le roi, prenant la parole, me présenta officiellement la nouvelle arrivée. Elle me jaugea des pieds à la tête d'un air inquisiteur, mais jamais son regard n'effleura le mien. Elle se contenta de me considérer avec attention, prenant mes deux mains. Elle en mesura la force et la souplesse, puis, soudainement, demanda en se tournant vers Dinmour et Ylvgur, « Qui l'accompagnera ?»« Moi, » dit le roi. Dans le regard de la jeune Drachnite, une lueur s'éveilla. Elle regarda le roi, puis, se tournant vers moi d'un geste bref, son regard enfin rencontra le mien. Elle me toisa. « Non, » dit-elle simplement, et ce nom était sans appel. Le roi lui répondit calmement avant de lui tourner le dos pour prendre son épée et son arc posés contre un arbre. « Je le ferai. » Me toucha la tempe d'un doigt belliqueux, elle insista. « Visiblement, elle ne sait rien. Rien. » Le roi se retourna lentement et s'apprêtait à parler lorsque je pris la parole. « Visiblement, non. Noble dame, mais ne sommes-nous pas en train de parler d'autre chose que du visible ?»